Jean chapitre 20. Or, le premier jour de la semaine, Marie Magdeleine vint le matin au sépulcre. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Et elle courut, et vint à Simon Pierre, et à l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur hors du sépulcre, mais nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre partit avec l'autre disciple, et ils s'en allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les linges à terre, mais il n'y entra point. Alors Simon Pierre, qui le suivait, arriva, et entra dans le sépulcre, et vit les linges à terre, et le suaire qui avait été sur la tête de Jésus, lequel n'était point mis avec les linges, mais était enveloppé en un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, y entra aussi, et il vit, et crut. Car il ne savait pas encore l'Écriture, qui porte qu'il devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, en pleurant, et comme elle pleurait, elle se baissa dans le sépulcre, et vit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, et l'autre aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais point où on l'a mis. » Et quand elle eut dit cela, se tournant en arrière, elle vit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que ce fut le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'ôterai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle s'étant retournée, lui dit, « Rabboni, c'est-à-dire, mon maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche point, car je ne suis point encore monté vers mon Père, mais va à mes frères, et leur dit, « Je monte vers mon Père, et vers votre Père, vers mon Dieu, et vers votre Dieu. » Marie Magdeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. Et quand le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, fut venu, et que les portes du lieu où les disciples étaient assemblés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, étaient fermées, Jésus vint, et fut là au milieu d'eux, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples eurent une grande joie, quand ils virent le Seigneur. Et Jésus leur dit encore, « Que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux, et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. À quiconque vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, appelé Didyme, qui était l'un des douze, n'était point avec eux quand Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois les marques des clous en ses mains, et si je ne mets mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et huit jours après, ses disciples étant encore dans la maison, et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, et fut là au milieu d'eux, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et la mets dans mon côté, et ne sois point incrédule, mais fidèle. » Et Thomas répondit, et lui dit, « Mon Seigneur, et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru, bienheureux sont ceux qui n'ont point vu, et qui ont cru. » Jésus fit aussi en la présence de ses disciples plusieurs autres miracles, qui ne sont point écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom.